1 Super vilain, trop Y et W, Gizzy Uzu, GP Gangsters, man. Jiggity check, biggity bang. La zip. Pas d'auréole au-dessus de la tête. On avance dans le brouillard, à moitié sur une autre planète, à moitié dans le trou noir. On mène des vies à couper le souffle, ils passent leur vie à couper le courant. Normal qu'on ait des oufs, guette le petit car, il est mourant depuis des années. Entre flingues et zizanie, de la cave aux escaliers, de la tonne au petit trafic. Des fois c'est la merde, entre théorie et pratique. Et l'égoïsme plaît aux riches, c'est vrai comique me fatigue. Motherfucker, you know what I mean. C'est du shit, pas du choco sur le couteau à la mine. Et ton siècle, c'est comment? C'est pareil que dans le mien, la débrouille, la galère. Vend une barre et t'es prends de joint. Stressé comme des rivals, nous dresser comme des chiens. On va tout baiser comme l'état, je vais tout laisser pour les miens. Je pensais voir la lumière, elle s'est éteinte. Je fais des doigts pour tous ceux que j'aimais, ceux que j'aimais bien. Perché comme le chat, à l'affût du moindre écu. J'ai traîné sous le sas, la capuche et la sécu. Le grabuge et la verdure, au milieu des blocs de béton. Non, je suis pas une pute, mais j'ai déjà vu des potes me pétrons. Et ça joue les messieurs, en mode macho et vieux jeu. Mais au parlu, beaucoup de ressus nous ramènent le monsieur. On n'a plus grand chose à perdre, on est cru dans nos affaires. Ça vole le pain des autres pour mettre un truc dans nos assiettes. Mais ils sont cons, ne font que comparer. Mais tant qu'on voit des bombes, mes sons seront carrés. J'ai pas fait le tour du monde dans l'ombre, j'ai constaté qu'à chaque fois que c'est les bons qui plongent, ils font que se taper. Pour le respect en zone, zoom stomp sans séparer. Mais à la fin du compte, ils tombent, ils sont barrés. Libérer Jeff et les autres qui tournent trop. Une triplette à mal de bite, ça peut s'embrouiller pour le trône. Gangsters Y et W, la sup, trône. Super vilain, Y et W, on est ensemble, ça bouge pas, les gars.